Omicron, un mot qui résonne terriblement depuis plusieurs jours, comme l'angoisse d'une nouvelle phase de la pandémie, d'un énorme retour en arrière, voire d'un échappement vaccinal. Bref, un cauchemar de virologue tel qu'il était attendu depuis longtemps. Mais que sait-on précisément de ce variant Omicron et comment informer quand on en sait si peu? Ce sera notre débat du jour. Il sera également question de micro-cerveaux qui commencent à penser, d'une autre épidémie, celle annuelle de bronchiolite, et d'un bien mystérieux fantôme des montagnes qui s'est fait capturé par une caméra, la Panthère des Neiges. Omicron, organoïde, bronchiolique et Panthère des Neiges, c'est le programme épidémio-félin qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour partir en quête des mini-cerveaux qui pensent et des mystérieuses panthères fantômes, mais pas en même temps, nous avons le plaisir de recevoir nos Science Busters qui débusquent l'actualité scientifique dans les recoins les plus obscurs mais sans jamais croiser les effluves. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Directrice de la rédaction de Pour la Science et bonjour Toubib. Bonjour, bonjour Nicolas. Responsable de la page Toubib or Not Toubib, auteur de Urgence or Not Urgence, manuel de survie en milieu pédiatrique aux éditions First. Je rappelle que vous appelez de ce pseudonyme Toubib parce que vous êtes psychiatre urgentiste et vous ne voulez pas mélanger votre identité publique avec... pédiatre urgentiste. Vous êtes pédiatre urgentiste. Psychiatre. Non, vous avez dit psychiatre urgentiste. J'ai dit pédiatre. Vous avez fourché. Ah ben j'ai fourché. Alors je voulais dire pédiatre urgentiste. Autant pour moi, Toubib. Voilà, tout ça pour expliquer l'utilisation de votre pseudo pour que vous puissiez continuer à travailler sereinement. Mais on commence par celle que vous appelez quand vous constatez un besoin urgent d'actualité scientifique. Ce n'est pas Natacha Triou, c'est Alexandra Delbo pour le Journal des Sciences. Bonjour Alexandra. Bonjour Nicolas. Et on commence, Alexandra, par cette étude parue dans la revue PNAS qui montre pour la première fois que des xénobots sont capables de s'auto-répliquer. Oui, les xénobots ou xénobots, ce sont de minuscules robots cellulaires obtenus à partir de cellules souches d'une grenouille, la Xenoplevis, et sélectionnés par ordinateur. On savait déjà que ces machines vivantes pouvaient former de petites structures capables de se déplacer en groupe et de détecter leur environnement. Ici, les chercheurs ont mis en présence différentes formes de xénobots sélectionnés par une intelligence artificielle avec un très grand nombre de cellules solitaires. Il s'avère que le mouvement collectif de ces robots, en poussant des cellules dissociées, parvient à créer de nouveaux enfants xénobots en adoptant la même forme que leurs parents et demeurent fonctionnels et autonomes. C'est ce qu'on appelle l'autoréplication cinétique, c'est-à-dire la réplication par le mouvement. C'est un phénomène connu pour certaines molécules, mais c'est la toute première fois qu'il est mis en évidence pour des organismes multicellulaires. Karim Sitayeb est ancien chercheur spécialiste des cellules souches à l'Institut du Thorax à Nantes. Alors dans cette étude, en fait, ils se sont aperçus que en mettant ces xénobots dans un environnement qui est très riche en cellules, donc ces mêmes cellules qui ont été utilisées pour assembler ces xénobots, mais qui cette fois sont dissociées, en fait, les xénobots vont les pousser pour former des agrégats qui, à leur tour, vont commencer à devenir fonctionnels et former des structures équivalentes, donc de nouveaux xénobots, de nouvelles générations, qui après elle-même va avoir cette possibilité de se déplacer et de reproduire cette possibilité d'agréger d'autres cellules pour former de nouveaux xénobots. Dans la plupart des systèmes cellulaires, ce qu'on sait, c'est que les cellules vont utiliser des éléments de l'environnement à l'aide d'outils qui sont déjà présents dans les cellules, donc notamment des enzymes, pouvoir transformer ces éléments et les agencer pour ensuite en faire une nouvelle entité. Et donc il y a ce côté de transformation, de construction dans la cellule pour ensuite faire une autre cellule. Alors que là, on a vraiment, de par le mouvement, le fait d'agréger des cellules entre elles qui vont reproduire les caractéristiques de la structure qui les ont agencées. Et dans le monde du vivant, on connaît cet exemple notamment avec le prion. Et la structure va changer et va adopter la même capacité que le peptide original à former des agrégats et à transformer d'autres peptides. Donc là, on est sur des formes moléculaires, alors que maintenant, avec ces xénobots, on est sur des formes pluricellulaires qui sont capables de générer des éléments identiques à eux-mêmes. Alors l'important, c'est effectivement le fait de mettre en évidence qu'à l'échelle cellulaire, on peut avoir une forme de réplication qui est différente de toutes les formes de réplication qu'on connaît. Et le potentiel de ça, c'est de pouvoir avoir des espèces de manufactures du vivant, donc de créer l'environnement propice pour générer de façon autonome des xénobots sans qu'on ait à manipuler nous-mêmes les cellules pour former ces structures. Du coup, le système serait autosuffisant et permettrait de produire à volonté une grande quantité de xénobots qui ensuite pourraient être utilisés pour différentes applications. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces xénobots, donc je disais xénobots certainement à cause des Transformers de mon enfance, on disait les autobots, donc bon, bref, peu importe, ça ne vous intéresse pas du tout. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, c'est sur notre fil Twitter, @laméthodefc. En bref, Alexandra, une prépublication publiée hier dans MedArchive révèle bien que le risque de réinfection au Covid est accru avec le variant Omicron. Oui, il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 2,8 millions d'individus ayant été testés positifs en Afrique du Sud au moins 90 jours avant la fin novembre. Au total, 35 000 cas de réinfection ont été relevés. Et par analyse statistique, ces chercheurs sud-africains révèlent qu'entre le 1er et le 29 novembre, donc la période à laquelle le variant Omicron est devenu majoritaire dans le pays, le risque de réinfection était 3 fois supérieur par rapport aux vagues liées aux variants bêta et delta. Mais attention, bien sûr, quelques précautions s'imposent. Il s'agit d'une prépublication qui n'a pas été relue par les experts du domaine et on ne dispose pas encore des données vaccinales de ces individus. Il nous faut encore et toujours patienter 2 à 3 semaines pour connaître les caractéristiques de ce nouveau variant. Et on en discute dans un instant dans notre débat d'actualité du vendredi. Deuxième sujet de cette semaine, focus, bien comme tous les vendredis actu, sur une étude sortie des laboratoires français. Selon une prépublication acceptée dans la revue Astronomy and Astrophysics, des chercheurs ont fait l'observation directe de zones d'ombre sur des disques circumstellaires. Oui, les disques circumstellaires, ce sont des régions autour des étoiles très jeunes, de 1 à 10 millions d'années, faites de gaz et de poussière. C'est à cet endroit que se forment des protoplanètes, mais leur détection directe est très difficile. Il faut alors rechercher des signatures indirectes de leur présence. Pour cela, ces chercheurs ont observé 20 disques et comparé les morphologies des zones internes et externes. En utilisant un instrument de l'interféromètre du Very Large Telescope appelé Gravity avec le radiotélescope ALMA, ils ont montré que certaines régions internes des disques sont responsables de zones d'ombre projetées sur l'extérieur du disque et cela révèle donc la présence possible d'une planète massive. Et pour certains disques, c'est même la première fois que l'on observe ce type de structure à un tel niveau de précision. Il s'agit d'une observation essentielle pour comprendre comment les caractéristiques des disques circumstellaires influencent les propriétés finales des planètes. Myriam Benestri est astronome, chercheuse à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, en ce moment au Chili, et co-autrice de cette étude. Ce qu'on a cherché à faire, c'est regarder si on avait des signatures de la présence de ces planètes, donc des signatures indirectes, parce que ces planètes qui sont en fait très très jeunes, elles sont très difficile à détecter. Donc le but de cette étude, c'est d'essayer de trouver des preuves, on va dire, directes de ce désalignement entre les différentes régions du disque circumstellaire qui pourraient être causées par la présence de planètes. Et en fait, sur un échantillon de 20 disques qui sont situés dans des régions de formation stellaire relativement proches de nous, on a regardé de manière systématique la morphologie des régions internes et des régions externes de ces disques. Et on a essayé de comparer et de voir si on avait, oui ou non, des signatures de désalignement de ces régions. Et notamment, une des signatures qu'on a vues, c'est des zones plus sombres, en fait, dans les images, qu'on a appelées des zones d'ombre, c'est-à-dire qu'on a déjà interprété leur origine, on s'est dit, ces zones sombres, elles ne peuvent être vues uniquement qu'à des effets d'ombre par les régions internes. C'est-à-dire que les régions internes, par exemple, vont cacher l'étoile, qui donc ne sera plus capable d'illuminer les régions extérieures. Et donc c'est exactement ça qu'on a cherché à prouver, c'est-à-dire qu'on a vu ces zones d'ombre, mais ça restait de l'ordre de l'interprétation. Et donc pour cette étude-là, on a essayé de prouver que oui, en effet, c'était vraiment des ombres, c'est-à-dire que les régions internes cachaient l'étoile centrale et ne permettaient pas d'illuminer les régions externes. Et pour, en fait, une fois qu'on a prouvé, on va dire qu'il y avait des signatures de désalignement entre les différentes régions du disque, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de comprendre quelle est l'origine de ces désalignements. Et donc, une des possibilités, c'est qu'une planète massive, qui est en fait inclinée, donc on a certains systèmes exoplanétaires qui nous montrent que certaines planètes sont sur des orbites inclinées par rapport à l'axe de rotation de l'étoile. Donc, ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est que, par exemple, le champ magnétique de l'étoile lui-même soit désaligné par rapport à l'axe, on va dire, de rotation de l'étoile. Et ça, ça va induire, en fait, une sorte de torsion à l'intérieur du disque qui va de temps en temps passer devant l'étoile et va cacher, on va dire, l'illumination de l'étoile et va créer des zones d'ombre. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être invoqués et qui, en fait, sont tous très importants et fondamentaux pour notre compréhension de l'évolution des systèmes planétaires jeunes. Et également dans l'actualité scientifique cette semaine en ultra bref. Un prix d'abord, le Grand Prix INSERM 2021 a été remis hier soir à Marion Leboyer, psychiatre et chercheuse au laboratoire de neuropsychiatrie translationnelle à Créteil. Ce prix récompense l'ensemble de ses travaux dédiés à la compréhension de certaines maladies mentales, en particulier les troubles bipolaires, la schizophrénie et les troubles du spectre de l'autisme. Aussi cette semaine, une double observation exceptionnelle, une paire de trous noirs supermassifs la plus proche de la Terre vient d'être observée. Elle se situe à 89 millions d'années-lumière dans la galaxie NGC 7727. Mais ce n'est pas tout, ces trous noirs sont aussi très proches l'un de l'autre, les plus proches jamais observés. Les chercheurs estiment que ce duo fusionnera dans les 250 millions d'années. Et c'est aujourd'hui que commence la 35e édition du Téléthon. Les dons collectés durant tout le week-end permettront de financer la recherche sur les maladies génétiques rares, en particulier sur l'utilisation des médicaments de thérapie génique. Vous pouvez effectuer des promesses de dons par téléphone au 3637 et sur le site internet téléthon.fr. Et on termine ce journal des sciences, comme chaque vendredi, par notre rubrique de sciences improbables. Aujourd'hui, une étude d'Alexandra publiée dans Plus One qui révèle que les chats savent où vous trouvez, même lorsqu'ils ne vous voient pas. Oui, c'est une compétence cognitive appelée permanence de l'objet, c'est-à-dire la capacité de savoir qu'une chose existe toujours, même si on ne la voit plus. Et ce qui a été étudié ici, c'est cette cognition socio-spatiale avec le son. Les chercheurs ont placé 50 chats, seuls, dans une pièce qui avait une fenêtre et deux portes. Ils ont ensuite placé des haut-parleurs à l'extérieur de la pièce pour diffuser différents enregistrements, que ce soit la voix du propriétaire, la voix d'un étranger ou d'autres sons. Et ces sons ont été joués soit au même endroit, soit en changeant d'emplacement. Les résultats montrent que les chats étaient surpris, c'est-à-dire qu'ils contractaient leurs oreilles lorsque leur propriétaire semblait être téléporté vers un nouvel endroit inconnu, ce qui n'est pas le cas avec d'autres stimuli sonores. Cela suggère donc que les chats ont une représentation mentale du propriétaire, même invisible, et qu'ils cartographient son emplacement. Donc ça signifie que si Gaston louche beaucoup, il n'a pas besoin de vous voir pour savoir où vous êtes, Nicolas. Alors déjà, Gaston ne louche pas. Gaston ne louche pas du tout. Et deux, c'est pour ça que je laisse la radio allumée qui se déclenche au moment de la méthode scientifique et que ce chat devient complètement fou parce qu'il ne me trouve pas dans l'appartement. Voilà, vous savez absolument tout sur ma vie pathétique avec mon chat que j'aime. Merci beaucoup Alexandra. Et c'est Natacha qu'on retrouvera lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et l'actualité scientifique cette semaine, c'est évidemment cette cinquième vague, la troisième dose de rappel et prime par-dessus tout, cerise sur le gâteau, le nouveau variant, le retour en gros de la panique à tous les étages du côté du Covid. Et la palme donc de l'inquiétude majeure revient à ce nouveau variant, le variant Omicron, que l'on décrit comme plus transmissible, plus virulent, échappant à l'immunité, à la vaccination, avec un taux de mutation record. Bref, la liste est longue et pourtant, eh bien écoutez justement un petit florilège de ce que vous avez entendu sur vos chaînes de télévision et de radio ces derniers jours. C'est un montage signé Olivier Bétard. C'est la première incursion du variant Omicron sur le territoire français. À La Réunion, il a été détecté chez un homme de retour d'Afrique australe. Après un séjour au Mozambique, il a transité par l'Afrique du Sud et l'île Maurice, avant de revenir à La Réunion le 20 novembre. Le patient, un homme de 53 ans, était en voyage d'affaires. Il est à l'isolement à son domicile avec des symptômes légers. Et dans l'Hexagone, on a suspendu les vols vers l'Afrique australe, mais faut-il vraiment s'inquiéter? Cette nouvelle mutation du Covid est-elle une si grande menace pour nous? Pour le moment, et je dis bien pour le moment, le conseil scientifique le dit, pas de panique. Avec ses multiples mutations, ce variant Omicron fait craindre le pire. Est-il plus dangereux et plus résistant au vaccin? Les experts tentent depuis plusieurs jours d'apporter des réponses. Une nouvelle menace qui pourrait pousser encore plus de Français à se faire vacciner, notamment pour la dose de rappel, la troisième, ouverte à tous les adultes depuis samedi dernier. Par rapport aux informations qu'on a de ce qui se passe en Afrique du Sud, il n'y a pas eu une augmentation, une saturation des hôpitaux. Donc, semble-t-il que ce variant, bien que transmissible et contagieux de façon importante, n'entraîne pas des cas de sévérité plus que le Delta. C'est une question qui est entièrement ouverte actuellement. Si l'Omicron arrive à prendre le dessus sur le Delta ou si le Delta étant bien implanté, il peut prévenir la circulation du variant Omicron. Et c'est ce que les semaines qui viennent vont nous apprendre. Voilà, quand on entend ce montage, c'est à croire que nous n'avons rien appris collectivement en 18 mois de pandémie sur le traitement de l'actualité scientifique. Et j'avoue que parfois, c'est un peu déprimant tout de même parce que comment on fait quand on a ce nouveau variant qui est un variant bien d'inquiétude hein, selon l'OMS et pour des raisons, un variant of concern, un variant préoccupant tel qu'il a été défini par l'OMS le 26-11. Et pourtant, bien on est face à une absence d'études. On a pour le moment très peu de choses à se mettre sous la dent en tant que journaliste scientifique pour pouvoir éclairer la population et on voit que bien tout le monde s'enflamme, qu'il y a eu une forme d'emballement médiatique, politique. Comment on fait, Cécile, à part pleurer dans un coin dans le noir en disant qu'on n'a rien compris et que décidément c'est toujours les mêmes choses qui recommencent? Non mais comment on fait pour en parler? On en parle en disant que justement on ne sait pas. Je pense qu'il faut être très honnête là-dessus. Comme on l'a entendu dans ce montage, beaucoup de chercheurs le disaient bien, que pour l'instant, on ne sait pas. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut pas regarder, au contraire, c'est bien pour ça que les chercheurs regardent. C'est un variant préoccupant. Il y a beaucoup de nouvelles mutations, ça c'est sûr, ça on le sait. Le reste, on ne sait pas. Est-ce qu'il va être vraiment plus contagieux? On ne sait pas. Est-ce qu'il va être plus pathogène, on ne sait pas. Donc, il y a même... on va sourire un petit peu, on peut même avoir une bonne hypothèse, enfin une hypothèse optimiste. Je ne sais pas du tout si c'est la bonne, hein, on va pas me reprocher ça plus tard. Mais une hypothèse optimiste, c'est qu'il soit très contagieux et pas du tout méchant. Ce qui serait quasiment une bonne nouvelle, parce qu'il prendrait toute la place et on aurait des gros rhumes comme chaque hiver. Olivier Lascar, pareil, comment est-ce qu'on fait pour se saisir de cette information quand on est pris dans un flot global où on a aussi le sentiment, en tout cas ça a été le mien, que tout se mélange un peu et dans les médias et dans la tête des gens entre cinquième vague, dose de rappel, la troisième dose de rappel, on se dit que c'est pour ce variant Omicron alors que pas du tout, hein, c'est pour prévenir cette cinquième vague de variant Delta qui est très bien implantée en Europe. Comment on en parle en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme vous êtes cinéphile, Nicolas, moi, ça m'a rappelé le titre du film de Max Pécasse, On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Je pense que c'est la première chose à faire quand ça arrive. Comment vous savez que c'est dans mon top 10 des films préférés? Ouais, parce que je commence à avoir une idée du personnage. Ouais. La question alors d'abord, je voudrais réagir à ce qu'a dit Cécile à la fin de son intervention. Effectivement, il y a une hypothèse qu'il faut pas du tout exclure et qui serait une bonne nouvelle, selon laquelle Omicron pourrait être plus contagieux et moins dangereux que Delta. Et remplaçant Delta, finalement, à l'arrivée, ça serait plutôt une bonne opération. Évidemment, on n'en est pas là, mais c'est aussi une hypothèse positive qui peut être dite. La question de savoir comment on parle d'Omicron quand ça arrive, elle est liée aussi aux médias et à la temporalité du média. C'est vrai que quand on est dans du quotidien, et quand on est par exemple Science et Avenir, qui est un site web quotidien qui publie tous les jours une dizaine de papiers faits par des journalistes, on est face à une actualité et il faut s'en emparer. Donc comment on fait pour ne pas raconter la même chose que les autres? Il faut aller directement à la source. Aujourd'hui, il n'y a pas de publi sur Omicron. Par contre, il y a des scientifiques qui ont bel et bien mis les mains dedans, si je puis dire, puisque ça a démarré en Afrique du Sud. Donc nous, on a le journaliste qui suit vraiment attentivement cette histoire, Nicolas Gutiérrez. Il a pris son email, il a contacté une des scientifiques, un des docteurs, la chercheuse sud-américaine Ginal Biman, et il a fait une interview directement avec quelqu'un qui connaît le maximum d'informations sur Omicron pour savoir ce qu'on pouvait en dire. Je pense que c'est la seule technique qu'on puisse avoir. Alors, il y a quelques petites choses que l'on sait. Il y a le nombre de mutations qui est effectivement très important par rapport aux autres variants ou aux variants précédents. Mais il faut peut-être également rappeler que la situation sanitaire en Afrique australe et en Afrique du Sud en particulier est extrêmement différente. plutôt face à une baisse des contaminations, une baisse du variant Delta, un taux de vaccination qui est très différent. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, Toubib, à ce traitement? Vous l'avez vu, vous êtes, comme je le disais, pédiatre urgentiste, donc vous êtes aux premières loges en quelque sorte. Comment vous estimez ou comment vous regardez le traitement de cette actualité autour de ce nouveau variant qui fait peur à tout le monde sans bien qu'on sache pourquoi? Bah, comme vous l'avez dit, en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en 2 ans d'épidémie, on n'a pas appris grand-chose, hein, que ça soit une grande partie des scientifiques ou même malheureusement de certains journaux, alors plutôt grand public hein, pour le coup. Mais le problème étant que, comme vous dites, on ne sait rien. Donc quand on ne sait rien, en fait, la capacité première des médecins et des scientifiques, ça doit être d'avoir l'honnêteté de dire aux gens, on ne sait pas, on doit attendre, et pour l'instant, on donne les faits. Bon, vous avez donné les mutations, tout ce qu'on sait sur la provenance de l'Afrique du Sud, et encore, est-ce que c'est la provenance, je dirais plutôt que c'est la première fois qu'on l'a vraiment cataloguée. Voilà, exactement, c'est pour ça qu'on dit l'Afrique du Sud, mais c'est peut-être plutôt l'Afrique du Sud qui doit être remerciée pour avoir justement bien mis en évidence pour la première fois ces données. Après, comme vous dites, je pense qu'il est urgent d'être prudent et d'arrêter en fait de spéculer à tout va avant d'avoir des données solides. Alors, il y a quelques petites choses qu'on sait sur le nombre de mutations. On sait que, encore une fois, il y a beaucoup de mutations, une trentaine, notamment sur la protéine Spike, à des endroits que l'on retrouve, c'est-à-dire, alors je ne vais pas faire la liste, et puis par ailleurs, Antoine Beauchamp consacrera l'émission de lundi en entier, et pour faire un point complet sur les connaissances, donc on rentrera dans le détail lundi. Mais enfin bref, effectivement, on peut craindre, Cécile, qu'il y ait une plus forte transmissibilité pour plein de raisons et en tout cas pour la localisation de certaines de ces mutations. Mais surtout, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que les virologues craignaient depuis un certain temps, à cause de la pression vaccinale, précisément l'échappement d'un mutant qui permettrait ou ferait de l'échappement immunitaire et qui échapperait au vaccin. Ils redoutaient que la pression imposée par la vaccination massive produise un variant qui serait un variant réfractaire à la vaccination et à l'immunité. Donc, est-ce que c'est pas de ça aussi dont on est un peu tributaire aujourd'hui avec ce variant Omicron, de cette inquiétude-là? Moi, je suis pas sûre que ce soit cette inquiétude-là qui soit en premier. Je dirais plutôt qu'il semblerait, enfin, en tout cas, qu'une hypothèse a été émise. Je vais mettre plein de conditionnels là aujourd'hui, évidemment, que ce nouveau variant se soit fabriqué chez quelqu'un qui avait un système immunitaire très faible et qui donc a pu rester infecté pendant des semaines et des semaines, peut-être des mois, on ne sait pas, comme c'est déjà arrivé pour un autre variant hein, du Covid, du SARS-CoV-2 plus exactement, parce que normalement quelqu'un qui tombe malade, son système immunitaire se met en route et si tout va bien, il va guérir et il n'y a plus de virus. Chez des gens très immunodéprimés pour des tas de raisons médicales, le virus reste, voilà, et c'est là qu'il peut muter et remuter, remuter, puis rencontrer d'autres virus un peu différents parce que la personne se réinfecte, parce que voilà. Et donc, ça, c'est ce genre de choses qui peut évidemment arriver avec le SARS-CoV-2 et qui risque d'arriver toujours. Est-ce que, Olivier, ce type de variant, comme on a pu l'entendre ou le craindre, a suscité des réactions trop vives? Est-ce que il est possible, est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui qu'un variant mette à terre tout ce que l'on fait depuis 2 ans, c'est-à-dire toute la stratégie vaccinale, que ce soit finalement un variant qui échappe à tout et qui nous fasse repartir de zéro? Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, d'une part, parce que, comme vous l'avez dit, Nicolas, c'était un scénario qui était envisagé depuis longtemps par les scientifiques, qu'un variant comme celui-là puisse surgir. On sait que ces variants, ils sont désormais désignés par les lettres grecques. Omicron, c'est la 15e, si je ne m'abuse. Donc, ça veut dire qu'entre Delta et Omicron, il y en a eu quand même un petit paquet de mutants dont on n'a pas parlé parce qu'ils n'avaient pas des effets comme celui-là. Mais donc, la mutation, c'est quelque chose de classique, quoi, de normal, d'attendu. On peut relever d'ailleurs que toutes les lettres ont été utilisées, sauf nu, parce que ça faisait new en anglais, donc ça pouvait faire un peu peur, et qui, parce que ça fait Xi, et que Xi, c'est un prénom et un nom asiatique, et donc c'était un peu stigmatisant. Mais donc toutes les lettres de l'alphabet depuis entre Delta et Omicron, elles ont été utilisées, donc ça en fait un paquet de variants. Non, je crois que ça montre surtout que la réponse médicale face à l'épidémie, c'est la vaccination. C'est aussi la recherche de traitement. Et donc, on voit que la recherche d'un traitement, elle reste toujours pertinente, parce que si demain on a des vaccins qui réagissent moins bien à ce nouveau variant, eh bien, on sera bien content d'avoir dans le dispositif médical des traitements qui peuvent soigner les effets de cette maladie. Et puis, on peut aussi compter sur la capacité, la plasticité des scientifiques pour adapter les vaccins aux spécificités d'Omicron. Cécile, un mot ? Oui, je rappelle donc, avant qu'on puisse dire des choses vraiment pertinentes sur ce variant, il va falloir attendre plusieurs semaines, peut-être même encore plus, plusieurs semaines pour atteindre déjà les résultats des recherches menées en laboratoire aujourd'hui, puis après, pour voir ce qui se passe dans la vraie vie, parce que ce virus nous a quand même déjà appris, là pour le coup, il faut s'en souvenir, que selon les pays, le climat, la pyramide des âges, il pouvait se comporter de façon très différente d'un pays à l'autre, donc ça, il faut pas l'oublier. Et puis, effectivement, pour le coup, il semblerait que, bon, on peut imaginer absolument le pire et que ce variant échappe totalement au nouveau vaccin. Ça n'a pas l'air d'être l'hypothèse privilégiée par les médecins aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des nouveaux médicaments qui sont arrivés, dont certains antiviraux qui s'occupent pas du tout de ces protéines spike, donc ce qui devrait être toujours efficace. Alors, c'est moins efficace que le vaccin aujourd'hui, hein, donc, mais ça serait quand même déjà ça. Et puis, on n'est pas du tout tout nu comme on l'était au début, et faut pas non plus exagérer. Et aujourd'hui, rappelons que la vraie question, en tout cas, là, en Europe, c'est la vague Delta et que c'est que la vaccination qui marche. Toubib, un mot de conclusion. Vous voyez, vous, dans les urgences auxquelles vous travaillez, des inquiétudes d'ores et déjà de la part de vos patients sur ce variant Omicron, une certaine confusion, en tout cas, dans la façon dont ils ont perçu l'information? Non, non, pas vraiment, pas actuellement, en tout cas, par rapport au Covid, en tout cas aux variants émergents. Rappelons que moi, j'exerce dans une population pédiatrique, donc là, actuellement, on en reparlera, mais c'est pas vraiment le virus qui nous intéresse le plus en ce moment. Par contre, je pense qu'il y a une chose très, très, très importante que j'aimerais rappeler par rapport à ce que vous avez dit, Nicolas, c'est que il faut bien retenir et que la population comprenne que la pression du vaccin, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les mutants, les variants, un risque parce qu'on laisse un virus se reproduire en toute liberté chez les gens et qu'il a l'occasion du coup de muter et de s'adapter à son environnement ou au contraire de rester dans des individus comme il a été dit qu'ils ont un système immunodéprimé qui va permettre et donner l'occasion au virus de muter. Ça veut dire quoi? Ben, en bref, ça veut dire qu'on a tous les arguments pour dire qu'il faut vacciner et le plus largement possible. Ce sera le mot de la fin sur ce débat. Je vous rappelle encore une fois que lundi, Antoine Beauchamp fera un point complet avec ses invités sur ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas de ce variant Omicron. On va rentrer dans les détails, dans les différentes mutations. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur Omicron, ce sera lundi dans la méthode scientifique. Mais en attendant, on respire un peu. Et on va continuer à respirer avec Pink Floyd, Breathe, mais malheureusement on va continuer à plutôt mal respirer puisqu'il n'y a pas que le Covid ou que la grippe en hiver, il y a également l'épidémie de bronchiolite qui est une maladie en général bénigne mais qui peut dans de rares cas s'avérer grave pour les nouveau-nés. Alors c'est un peu votre fond de commerce Toubib, la bronchiolite, puisque je rappelle que vous êtes pédiatre urgentiste. Où on en est sur le front de l'épidémie 2021 avec tous ces facteurs qui compliquent, que sont le Covid, l'épidémie de grippe et puis tout le contexte sanitaire que nous venons d'évoquer à l'instant. On en est en pleine bataille, en pleine guerre, si vous voulez reprendre des métaphores guerrières. Là, actuellement, je peux vous dire que si j'ai des cernes de 15 km de long, c'est justement à cause de ça, de cette épidémie à bronchiolite, et notamment causée par le VRS, habituellement. Le VRS, il faut le rappeler, c'est le virus syncytial respiratoire. Exactement. C'est lui qui domine dans à peu près, on va dire, les 50 à 90% des cas. Après, rapide tour des choses, il y a d'autres virus qui peuvent le causer, que ce soit le parainfluenzae ou le rhinovirus, ou même le Covid dans de rares cas. D'accord. Mais alors, la bronchiolite, il faut se rappeler un peu ce que c'est qui ça touche, parce que la bronchiolite, dans une écrasante majorité des cas, c'est extrêmement bénin. Les adultes l'attrapent et on s'en rend à peine compte, en fait. Exactement. En fait, l'adulte, il va même arrêter l'extension du virus vers les bronchioles parce qu'il va sécréter un certain type d'anticorps, les IgA, et ça va empêcher d'arriver au niveau pulmonaire, ce qui fait qu'on va avoir des rhinopharyngites, des rhumes, comme vous et moi, on peut faire tous les hivers. Ça va être à peu près pareil chez les grands enfants. Et par contre, chez les nourrissons, qui n'ont pas forcément ces systèmes de défense immunitaire, en fait, ça va tomber jusqu'au dernier étage du poumon, c'est-à-dire dans les bronchioles, c'est les toutes petites voies aériennes qu'il y a juste avant les sacs alvéolaires, et ça va créer en fait un phénomène inflammatoire qui va finir par créer cette difficulté respiratoire chez l'enfant. Alors on oublie, parce que quand on n'a pas d'enfant ou quand on n'a pas eu d'enfant en bas âge depuis longtemps, ça touche vraiment énormément de monde. La bronchiolite, c'est un tiers des nourrissons de moins de 2 ans chaque année, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une énorme quantité d'enfants et d'enfants moins de 1 an, la très grande majorité. Surtout que les définitions actuellement à propos de la bronchiolite et de l'asthme du nourrisson ont un peu changé. Maintenant, on parle vraiment surtout de bronchiolite avant l'âge de 1 an et on parle plus volontiers d'asthme du nourrisson induit par le virus du VRS après l'âge de 1 an. Et il faut savoir aussi, parce que ça va réjouir tous les parents qui nous écoutent, que c'est une immunité qui est incomplète et transitoire. Donc on peut avoir plusieurs épisodes de bronchiolite. Alors on va aussi essayer de rassurer les parents qui nous écoutent, parce que la bronchiolite, il ne faut pas emmener tout de suite votre nouveau-né aux urgences si vous entendez cette respiration très typique, cette respiration très très sifflante du nez des enfants qui ont du mal à respirer. Dans la plupart des cas, la bronchiolite, ça se traite très bien en ville. Alors oui, ça se traite très bien en ville, à condition de savoir déjà comment le traiter, et puis, beaucoup plus important encore, quand est-ce qu'il faut venir nous consulter, parce qu'il y a un moment où l'enfant, s'il s'épuise, en fait, la seule chose qui va pouvoir le sauver, c'est le recours aux urgences pédiatriques, c'est la mise sous oxygène, le temps que ça aille mieux, le temps que, en fait, au niveau de son épithélium ciliaire, au niveau de son arbre respiratoire, il ait fait le ménage. Donc là, à ce moment-là, il faut bien savoir que le traitement pour la bronchiolite, il est purement symptomatique. C'est les lavages de nez, fractionner l'alimentation chez les petits-enfants, parce que c'est comme vous et moi, quand on est malade, on n'arrive pas à prendre un couscous alors qu'on est vraiment hyper à plat. C'est-à-dire qu'on déconseille toujours les couscous quand on éternue. Éternuer sur un couscous, c'est toujours une mauvaise idée. Et puis alors, à 6 mois de vie, je vous raconte pas, c'est difficile. C'est-à-dire que le couscous à 6 mois de vie, là aussi, il faut discuter un peu quand même de l'apport alimentaire pour le nourrisson. Mais bref, on s'écarte du sujet. Non, plus sincèrement, Toubib, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui doit déclencher l'inquiétude pour avoir recours aux urgences? Qu'est-ce qui discrimine finalement le simple traitement classique en ville? On rappelle que c'est un virus, donc il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Mais à quel moment est-ce qu'il faut finir par s'inquiéter et avoir recours à vous, aux urgences pédiatriques? Alors, on va reprendre les bases. Tous les enfants qui ont moins de 6 semaines doivent consulter aux urgences dès qu'ils ont une gêne respiratoire. Point. Ensuite, les enfants qui ont moins de 3 mois, on peut facilement également consulter, même si s'ils pètent le feu, on va pas forcément s'inquiéter autant. Après, on va être assez clair. Vous avez 3 choses qui doivent inquiéter les parents. La première chose, c'est si votre enfant a un comportement qui devient amorphe, il est très fatigué. On voit que quand on le sollicite, on dit son prénom, on l'appelle, etc., il ne réagit plus, il ne vous regarde plus, il est vraiment extrêmement fatigué, parce que justement, il doit respirer. Ça nous amène au deuxième signe d'alarme, c'est-à-dire une respiration qui est difficile. Là, c'est un enfant qui va lutter, qui va creuser sous les côtes et en dessous de son cou et qui va également avoir une respiration très accélérée. Alors souvent, on dit 60 en fréquence par minute, mais c'est difficile à calculer pour les parents. Il faut juste retenir que c'est un enfant qui va être tellement épuisé en train de respirer que il va être amorphe. Et ça va retentir sur le dernier point, qui est le troisième, c'est-à-dire l'alimentation. Si l'enfant n'arrive pas à prendre au moins la moitié de sa ration habituelle sur au moins 2-3 biberons consécutifs, on se dit qu'il a trop de mal à respirer pour pouvoir s'alimenter correctement. Donc on est dans une situation qui peut être grave, il faut consulter. Les statistiques, c'est 2 à 3% des nourrissons de moins de 1 an qui sont pris en charge à l'hôpital pour une bronchiolite, pour vous donner quand même tout de même un ordre de grandeur et que ce soit pas trop alarmiste si vous nous écoutez. Ce qui est intéressant également, vous l'avez dit, Toubib, c'est que la Haute Autorité de Santé a émis de nouvelles recommandations pour la prise en charge de la bronchiolite qui ne se fait pas par voie médicamenteuse, il faut le rappeler. Tout à fait. C'est vraiment une chose qui a repensé totalement pour les parents. La surmédication de la bronchiolite, elle ne va pas servir à grand chose. Il faut vraiment s'éduquer aux signes d'alerte et s'éduquer avec le médecin, avec l'infirmière, avec le kiné, avec qui vous voulez de professionnels de santé pour faire des lavages de nez au sérum physiologique qui soient efficaces. On met 1, 2, 3 pipettes dans le nez tant que ça évacue bien et ça permet à l'enfant de respirer. Plus l'enfant pourra respirer de façon libre, moins il risquera de s'épuiser. Et c'est très important, parce que comme vous le disiez de façon très juste auparavant, c'est un virus, c'est les propres défenses du corps de l'enfant, ça va être les lymphocytes, qui vont faire le travail. À ce propos, d'ailleurs, quelque chose de très intéressant, c'est que des chercheurs avaient mis en évidence, il n'y a pas très longtemps, qu'il existe une sous-population de lymphocytes, les lymphocytes B régulateurs néonataux, chez les enfants de moins de 1 an, qui sont spécifiques aux enfants de moins de 1 an, qui sont attaqués par le VRS, et ils vont détruire et neutraliser ces lymphocytes qui, pourtant, régulent l'inflammation. Ce qui permet de comprendre aux parents pourquoi c'est spécifiquement les petits-enfants qui vont avoir plus de mal que les autres. Et il ne faut pas, comme vous disiez, mettre des antibiotiques. Ça, sauf sur infection, ça ne sert à rien. Bien sûr. Et une toute dernière question, rapidement, Toubib, puisque c'est un virus, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vaccin contre le VRS ? Parce qu'on n'a pas encore de vaccin efficace. Alors, on a également des anticorps monoclonaux. On appelle ça du Synagis, qu'on fait par cure de tous les mois. Mais c'est réservé à une population très fragile d'enfants, les enfants brocondysplasiques, qui vont avoir des problèmes pulmonaires, des problèmes cardiaques, les grands prématurés. Mais actuellement, c'est vrai qu'on n'a pas encore de vaccin contre le VRS, mais mon petit doigt me dit que c'est en chantier. Eh bien, on va écouter votre petit doigt. Merci beaucoup, Toubib. On passe tout de suite au deuxième dossier de cette table ronde. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pourtant, il pense. Alors, penser, c'est peut-être encore un bien grand mot, encore faudrait-il le définir, mais en tout cas, de l'activité électrique synchronisée et répétée a été détectée dans des organoïdes cérébraux. C'est-à-dire, Olivier Lascar, si je résume, que de mini-cerveaux produits en laboratoire commencent à avoir une activité cérébrale mesurable. Alors c'est ce que raconte effectivement notre journaliste Hugo Jalinière dans le numéro de Science et Avenir, la recherche, le mensuel qui est disponible en ce moment chez tous les marchands de journaux. Il démarre ce papier avec le cas d'un laboratoire à San Diego en Californie qui est dirigé par Alison Muotri, un généticien originaire du Brésil. Et ce médecin, ce scientifique a depuis 2019 effectivement mis au point des organoïdes qui manifeste une activité électrique spontanée. Alors peut-être qu'il faut nous rappeler exactement ce que sont ces organoïdes et comment on les produit. Les organoïdes, c'est quelque chose de relativement récent. Je crois que ça a démarré en 2016. Ça vient d'Autriche, des scientifiques autrichiens qui, pour les premiers, ont mis au point ces éléments qui sont en quelque sorte des modèles réduits d'organes réels. C'est quelque chose qui doit reproduire à minima certaines fonctions du tissu qu'il est censé mimer. Un organoïde de cerveau, ça doit reproduire certaines fonctions du cerveau, un organoïde de poumon, certaines fonctions du poumon, etc. Et l'idée, c'est de produire des tout petits organes qui font quelques millimètres de long. Enfin, ça peut être de la taille d'un petit pois. Par exemple, notre Californien Allison Muotri, ses organoïdes de cerveau, ils sont de la taille de petits pois. Ça c'est sur une boîte de pétri, quoi, finalement. Hein. Et ça permet d'étudier des phénomènes intime à ces cellules qui permettent de comprendre comment l'organe dans son entièreté fonctionne. Alors c'est intéressant parce que effectivement on a fait aujourd'hui des organoïdes. D'ailleurs on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. On avait consacré l'émission entière à cette question d'organoïdes. On fait de tout, hein, du cœur, des poumons, du foie, des vaisseaux sanguins. On peut faire à peu près de tout. Là on s'intéresse aujourd'hui avec vous, Olivier, à des organoïdes de cerveau. Alors il faut bien comprendre que ce sont donc des petits agglomérats de neurones qui ne sont pas vascularisés, qui vont être nourris en boîte de pétri et qui rentrent dans des processus de maturation qui sont très longs. C'est-à-dire qu'on ne met pas juste deux cellules, puis pouf, ça donne un organoïde qui, d'un seul coup, commence à utiliser un ordinateur. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, on n'en est pas encore là. Alors, même l'expression, hein, peut prêter à discussion, hein, mini-cerveau. Les anglo-saxons n'hésitent pas à parler de mini-brains, effectivement. Hein. Quand on parle à des scientifiques français qui travaillent sur les mêmes domaines, ça tout saute un peu parce que c'est vraiment minimaliste. Hein. C'est pas des homoncules comme on voit dans les Frankenstein, dans la fiancée de Frankenstein. Ce sont des versions extrêmement réduites de l'organe tel qu'on le connaît. Alors, c'est conçu à partir de cellules souches, hein, ces fameuses cellules souches qui ont la particularité de proliférer par division et de pouvoir se spécialiser en n'importe quel type cellulaire, hein, du foie, du cerveau, du cœur, etc. Et ces cellules souches, les scientifiques, pour fabriquer des organoïdes, les utilisent et les font baigner dans une sorte de substrat, dans une matrice, un gel nutritif, en fait, qui, en fonction de ses caractéristiques, va pousser la cellule souche à se développer dans une fonctionnalité ou dans une autre, et donc à faire plutôt un organoïde de cerveau ou un organoïde d'œil, hein, puisque c'est ce dont parle l'article d'Hugo Jalinière, c'est qu'on est arrivé à faire des organoïdes cérébraux qui ont des sortes de proto-yeux, des petites pastilles noires. Hein, c'est assez inquiétant, on ne va pas se mentir, ça commence à devenir assez inquiétant. Là, on vous l'a publié sur notre fil Twitter, on a une petite boule blanche avec deux petits yeux, on dirait... C'est pas très bien ce qu'on dirait. On dirait un peu le gluon du trou pour la référence. Je sais pas. Ce que je veux dire, ce qui est évidemment intéressant outre la vallée de l'étrange ou en tout cas le côté un peu inquiétant que tout cela peut avoir. Avant de parler des applications, en deux mots tout de même, Olivier, quand on parle de d'activité cérébrale, c'est-à-dire de fréquences électriques stéréotypées sur plusieurs fréquences d'oscillation, enfin. Qu'est-ce qu'on est en train de construire en fait ? Quel est le niveau ? Ça, c'est plus une question éthique que je vous pose. Est-ce qu'on a une idée finalement de l'activité ? Alors, on n'est pas en train de créer. Je suis pas en train de penser qu'on puisse créer des consciences avec des organismes aussi petits. Néanmoins, on parle d'activité neuronale spontanée. Oui, et puis alors ce qui pose question, c'est qu'on constate effectivement que plus on laisse vivre entre guillemets ces organoïdes, c'est-à-dire plus on leur laisse le temps de se développer, plus concernant les organoïdes de cerveau, on constate que les signaux électriques en question vont se raffiner pour produire des fréquences qui effectivement vont évoquer celles de cerveaux de fœtus ou de grands prématurés. Donc on commence à arriver vers quelque chose qui ressemble à ce que connaissent les neuroscientifiques. La question est celle de l'émergence de la conscience et par définition c'est quelque chose qu'on ne sait pas appréhender. Donc, il y a effectivement des spécialistes, des questions d'éthique. Il y a Hervé Schneiweis, qui est le président du conseil d'éthique de l'INSERM, qui est interrogé par Hugo Gélinière dans cet article de Science et Avenir, la recherche, et qui parle de cette question légitime, de qu'est-ce qu'on fait avec ces organismes. Est-ce qu'il faut légiférer à leurs propos pour encadrer leur utilisation? Parce que si la conscience leur vient, quid de la souffrance quid d'un sentiment d'être, en quelque sorte. Alors, on en est très loin pour l'instant, mais mieux vaut peut-être se doter d'un dispositif de réflexion à ce propos plutôt que d'être devant le fait accompli. Oui, d'autant que les progrès fulgurants qui se font dans ce domaine ouvrent des portes assez vertigineuses en termes d'expérimentation médicale ou en termes de la microfluidique. On peut relier ces différents organoïdes et constituer des espèces de micro-laboratoires du vivant sur lesquels on peut bien tester des molécules, faire un certain nombre d'études, c'est-à-dire vraiment avoir on va pas dire des homoncules, mais en tout cas des sortes de micro-organoïdes reliés les uns aux autres, et ça peut permettre à la médecine de faire des bonds assez gigantesques. Ouais, c'est ça, Nicolas. Effectivement, il y a plusieurs intérêts aux organoïdes. Hein. Le premier, c'est comme vous le dites à l'instant, ces sortes d'organismes miniatures, parce que si on a une approche presque Lego, hein, le terme est utilisé par un des scientifiques dans le papier, où on assemble l'organoïde du cerveau avec l'organoïde du poumon, avec l'organoïde du foie, etc., constituer in fine une sorte d'organisme complet en version elliptique et extrêmement réduite. Donc ça, c'est une première approche. L'autre approche, c'est que si on a des organismes comme cela, on peut tester sur eux des traitements, des médicaments, et ça permet de s'affranchir d'une expérimentation animale. Alors là, je prends vachement de raccourcis parce que il faudra passer par quantité d'étapes avant de pouvoir considérer que les organoïdes sont une façon de court-circuiter complètement l'expérimentation animale, mais c'est quand même une des finalités. Ensuite, comme l'organoïde, ça se produit à partir de cellules souches, ça permettrait aussi de créer des organoïdes qui sont vraiment personnalisés, qui sont associés à des patients donnés. Et donc, tester des techniques thérapeutiques à façon, quoi, hein, qui soient lissées aux personnes à qui elles sont destinées. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces organoïdes et sur ces cerveaux qui commencent à manifester une forme d'activité proche de celle des fœtus et des grands prématurés, c'est dans le numéro de ce mois-ci de Science et Avenir. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour finir, nous vous emmenons en voyage vers le Tibet. Meunier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la panthère des neiges. This world has ears and rocks have eyes. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient. World is a bush full of fire. Dans la nature, t'es face à toi-même, tu peux pas tricher. Nature loves to hide. Meunier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre. We are not alone. Elle nous a vu passer. Ouais, elle est là, elle nous observe. We are not alone. Voilà, extrait de la bande annonce du film documentaire La Panthère des Neiges, film de Sylvain Tesson et Vincent Meunier qui sortira en salle le 15 décembre prochain. C'est un documentaire fascinant, ceci qu'il filme un animal qui est naturellement ou normalement quasiment invisible aux yeux des humains en tout cas. Et c'est ça qui vous a intéressé, Cécile, c'est de revenir un peu à l'animal et à savoir comment est-ce qu'on étudie un animal qui est invisible. Absolument, puisque dans cette émission, un petit peu parlé de notre tambouille interne, voilà. Pour la science, c'est un journal scientifique, comme son nom l'indique. On parle de science, c'est toujours de science. Et donc, normalement, on nous demande souvent comment on choisit nos sujets, on réagit à une actualité scientifique ou on fait le point sur un champ disciplinaire qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Là, ça s'est passé un petit peu différemment. Effectivement, nous avons été invités aux avant-premières de ce film documentaire qui sort le 15 décembre sur les écrans, normalement, La Panthère des Neiges, et qui est le film qui correspond au livre qu'avait écrit Sylvain Tesson et qui a eu le prix Renaudot en 2019, si je ne me trompe pas, et qui ressort là avec de très belles photos. Bon, le documentaire est absolument magnifique. On connaît le travail du photographe Vincent Munier, hein, qui travaille depuis des années dans des milieux très difficiles, et c'est très beau. Moi, je suis très très bon public, j'en suis ressortie totalement frigorifiée, parce que regarder des gens qui jouent au caillou par moins 20 degrés pendant des heures... Qui jouent au caillou, c'est-à-dire qui se déguisent littéralement au caillou. Voilà. Alors, par moins 20, moins 30... Voilà, pour évidemment ne pas effrayer l'animal. Voilà. Et effectivement, ce film est, se veut une ode à la beauté du monde, à la nature, au respect de la vie animale et particulièrement de cette panthère des neiges qui est très, très, très difficile à voir. Et donc, on s'est dit, ah, tiens, c'est peut-être effectivement l'occasion de se pencher sur les études qui sont faites sur la panthère des neiges, parce que si on met tant de temps pour apercevoir une panthère des neiges, si on doit y aller... Vincent Munier est allé une dizaine de fois au Tibet. Je crois qu'il a fini par voir la panthère des neiges une dizaine de fois, mais il y a moins deux ou trois voyages où il ne l'a jamais vue. Hein, donc, bon, il raconte bien que les Tibétains l'ont tous vue, eux. Mais bon, il la voit quand même pas tous les jours. parce que c'est des animaux très solitaires et qui se cachent totalement sur les fonds caillouteux des montagnes et qu'on ne voit pas. Et donc, on est allé chercher des publications et des chercheurs qui travaillaient sur le sujet, dont Justine Chantier-Alexander, voilà, qui est spécialiste de la panthère des neiges et qui dirige le Snow Leopard Network, pardon, c'est justement une association de chercheurs qui travaillent sur la panthère des neiges. Et alors, c'est intéressant parce que ben, on apprend plein de choses sur cet animal dont le nom vernaculaire est l'once, et qui est évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, menacé bien par la destruction de son habitat, par les modifications du climat. Mais il y a plein de choses passionnantes là-dessus, notamment le fait que c'est l'une des raisons pour lesquelles on les voit si peu, c'est que ce sont des animaux qui ont des territoires extrêmement importants, des territoires de chasse de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Exactement. En fait, pendant longtemps, on a cru que le territoire de Panthère des Neiges était à peu près 20 kilomètres carrés. Et puis aujourd'hui, avec les techniques actuelles, avec les GPS, etc., on a pu montrer, très récemment d'ailleurs, il y a un papier qui est sorti l'année dernière sur le sujet, que le territoire des mâles était plutôt de 220 kilomètres carrés et le territoire des femelles est un peu plus petit. De 130 kilomètres carrés. Et donc vous voyez, c'est énorme. Donc voilà, en gros, ça fait un léopard par 100 kilomètres carrés dans les régions favorables, parce qu'il y a les petits, il faut compter ça aussi, mais... donc voilà, donc c'est effectivement très... Et puis, ils vivent entre 4 et 5 000 mètres d'altitude, il fait froid, enfin comme on l'a dit tout à l'heure, donc ils sont difficiles à observer. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que justement, comment préserver un animal qui a un aussi grand territoire ? Ce sont des animaux solitaires, donc si vous voulez maintenir une population, il faut maintenir des populations relativement... Enfin, suffisamment grande pour qu'elles puissent, les mâles et les femelles puissent se rencontrer, pour qu'il n'y ait pas de dégénérescence génétique. Et donc voilà, donc il faut des réserves énormes. Et un autre papier était sorti récemment et qui montrait que la grande majorité des réserves actuelles sont trop petites de toute façon pour même abriter un seul couple. Enfin, ils vivent pas en couple, hein. Voilà, mais ils se rencontrent quand même au moment de la reproduction. Donc c'est compliqué. On a une estimation du nombre d'individus restants. On estime que c'est entre 4 et 7 000 individus aujourd'hui. Il y a justement des études en cours pour mieux estimer cette population qui seront disponibles d'ici 2023. Ils se sont mis d'accord, justement, le Snow Leopard Network avec les 12 gouvernements sur lesquels habite la panthère des neiges, voilà, pour pouvoir mieux... C'est-à-dire la Chine, le Tibet... La Mongolie, l'Afghanistan... je ne vais pas les avoir tous... Cette zone d'Asie centrale. Et donc, Donc voilà, mais sur ce, justement, comment vous faites pour les compter? Parce que c'est, voilà, vous ne pouvez pas leur dire petit petit, passez par ici. Donc, ce que utilisent les chercheurs, c'est notamment des caméras. Ils mettent des caméras, exactement comme le fait Vincent Munier dans le film. On voit très bien comment ça fonctionne, des caméras pièges, toutes petites, voilà, qu'ils laissent pendant des heures et qui filment dans des endroits où l'on pense que la panthère des neiges va pouvoir passer. Donc voilà, et qui les filment. Et donc ça permet, ça donne une idée. Quoique, comment savez-vous que c'est une panthère puis une autre? Ou est-ce que c'est deux fois la même panthère? Ça, on imagine qu'il y a des éthologues qui peuvent repérer les individus, non? Eh bien, justement, c'est une question pour eux. Si, bien sûr qu'ils le peuvent, mais encore une autre étude qui est sortie récemment a montré que les éthologues peuvent se tromper. En fait, la panthère des neiges, ces petites taches roses, enfin gris rosâtre là sur son fond gris. Plein de photos magnifiques voilà. Avec ces grosses patounes voilà. Sur notre fil Twitter. C'est un petit peu comme nos empreintes digitales. Hein. C'est tout à fait unique d'un individu à l'autre. Donc c'est à ça que les éthologues les reconnaissent. Seulement, quand la panthère des neiges passe devant ces caméra, elle fait pas tout le tour et je monte mon côté droit et je monte mon côté gauche et je fais bien attention d'être bien éclairé. Donc voilà. Pas une photo de passeport quoi. Et je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de vent qui soulève parce qu'elle a des très longs poils pour supporter le froid évidemment, donc ça brouille les images des taches. Voilà. Donc ils ont montré que en faisant des expériences avec des panthères dans les eaux, hein, en prenant des photos et en montrant, voilà, que les éthologues se trompaient quand même au point que peut-être qu'on surestime de 30% le nombre de panthères des neiges qui restent. Et parce que je me rends compte qu'on l'a pas décrit, c'est pas un très très gros animal. Hein. Non, c'est un félin très moyen, qui fait entre 30-40 kilos, donc voilà, qui fait à peu près un mètre les de long, qui a une queue très très très longue. Voilà, les mâles sont un peu plus gros que les femelles, mais voilà, il y a pas de signe très distinctif sinon, à part les regarder de très très près, mais ce n'est pas facile. Et qui se nourrit, pour qui la nourriture est un sport de combat. Absolument. Absolument. Donc, leur nourriture préférée, ce sont les ibex, une sorte de bouquetin que l'on trouve, en tout cas par là. C'est des animaux qui chassent à l'affût. Hein. Ça peut pas courir comme un guépard ou comme un loup pendant des kilomètres et des kilomètres, parce que leur morphologie, leur physiologie n'est pas adaptée à ça. Donc, ils se mettent à l'affût et ils sautent vraiment. Ça peut être très impressionnant, paraît-il, de les voir sauter sur un animal et de... Ils sautent au garrot, ils peuvent débouler avec l'animal dans les rochers. Il y en a même qui se brisent les chines. Hein. Eh bien, si vous voulez aller voir cette sublime et rare panthère des neiges, le documentaire de Sylvain Tesson et Vincent Munier sort en salle le 15 décembre. Merci beaucoup et vous pouvez en apprendre bien plus dans le numéro de Pour la Science, dont la couverture est, Cécile, sur la théorie des catégories, une vision unificatrice en mathématiques. À la une de Science et Avenir, Olivier. Découverte d'un continent englouti, Islandia réécrit l'histoire de la Terre. Et Toubib, or not Toubib, vous pouvez le lire dans Urgence or not Urgence, manuel de survie en milieu pédiatrique, c'est aux éditions First. Merci beaucoup à tous les trois. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Guédezin-Vulfranc, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim, Olivier Bétard à la réalisation et Pierre Faucillon à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'appli Radio France, sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.